me parle pas des problèmes de la street. J'en ai fait le tour, t'es la satellite. C'est le poids des problèmes que je porte qui m'ont donné cet air athlétique. J'ai le ressenti d'un esprit voyageur coincé dans le corps d'un tétraplégique qui court après son bonheur, tel un orpailleur après sa pépite. Quand je parle sentiment à travers mon rap, moi je le fais pour l'art, tu le fais pour ton buzz. Et j'emmerde l'industrie qui attend de moi que je chie que des hits, telle une poule pondeuse. J'avance à la vague un peu comme Daredevil. Je sais plus la différence entre tes débuts et les fins de mois. Car vivre de son art, c'est tout un art de vivre. Toutes ces soirées à étudier le terrain. Donne moins de diplômes que de mandats de dépôt. Pareil que l'argent s'accomple un manque. Colle ton oreille contre mon cœur et t'entendras de l'écho. Pour moi, la famille est une valeur forte. Pour ça que je les sers du plus fort que je peux contre moi. Pour que leurs âmes ne quittent pas leur corps. Quand je bois du noir, c'est que j'ai l'art d'être clair. Qu'est-ce que tu comprends pas, j'ai mille raisons d'être là. Tous mes écrits me rendent incomparable. Une plume trop réfléchie pour une version bêta. La prose des glaciales normales, elle vient du nord. En quelques mots, ce qui définit mon art. Cette terre du haut de gamme avec les moyens du bord. Des jours noirs, des nuits blanches, et puis des feuilles froissées. Raconte l'histoire d'un vide immense, inscrit sur ma gueule cassée. Des trous noirs dans l'enivrance de toutes ces heures blasées. Car mon histoire ne me dispense de mes erreurs passées. Un jour les gens t'aiment, un jour ils t'aiment plus. J'avoue que c'est dur de faire du rap sans s'y perdre. Si tu fais des vues t'auras plus de lèche-cul que dans le scénar d'un Human Centipede. J'assemble des samples et des poudres répliques pour faire couler l'encre et les couplets que j'kick. Me replonge dans l'ambiance de toutes ces nuits dont il ne reste que des cendres et des bouteilles vides. C'est le V, c'est le K. Inarrêtable et la claque arrive. Toujours fidèle à ses écrits, comme un Anakin pour un Palpatine. Chargé à bloc, t'es l'une alcaline. Mon son ramène des soldats, pas des tas de gamines. Mon flow rachètera le vôtre comme un Qatari. Chaque fois que mon stylo se lâche, t'entends. J'en ai fini de parler du passé. J'assume les erreurs du bon temps. J'ai eu le parcours d'un mec déboussolé. Mais qu'a su faire preuve de bon sens. Donnez-moi du temps et je leur montrerai c'est qui le patron. J'avais pas vu l'heure, mais j'ai plus important. Car là, je dois reprendre ma vie de daron. Des jours noirs, des nuits blanches, et puis des feuilles froissées. Raconte l'histoire d'un vide immense, inscrit sur ma gueule cassée. Des trous noirs dans l'enivrance de toutes ces heures blasées. Car mon histoire ne me dispense de mes erreurs passées. Des jours noirs, des nuits blanches, et puis des feuilles froissées. Raconte l'histoire d'un vide immense, inscrit sur ma gueule cassée. Des trous noirs dans l'enivrance de toutes ces heures blasées. Car mon histoire ne me dispense de mes erreurs passées.